Alexandre était beau gosse, blond, légèrement frisé, des yeux aussi grands, aussi verts que l'océan, et de faux airs de l'Hermès de Praxitèle, le genre de garçon qui ne laissait aucune fille insensible. Il aimait le Bourbon, le New York Times, la disco bâtarde et le droit romain, qu'il étudiait dans une faculté périphérique. Thank you. Thank you. Le téléphone arabe tourne à plein régime au sein de la pègre. Deux survivants des anciennes gâchettes de Cohen, Chick Vecchio et son frère Salvatore, dit Latouche, acteur raté dont la rumeur veut qu'il soit très lavande, envisagent de monter une opération au noir, un numéro de chantage et d'extorsion de fonds, hors de la sphère d'influence de Mickey. Redescends sur la terre ferme, Mickeyeur, nous nous sommes laissés dire que ta seule et unique source de revenus devenaient des machines à sous et des distributeurs du quartier sud. Cigarettes, capotes titilleuses et bandits manchots entassés dans les arrières-salles enfumées des clubs de jazz de Nègreville. Encore une fois, tu devrais avoir honte, Mickey. Exploiter ainsi les Schwartz. Cette partie-là se joue à un centime du chip. C'est là une activité indigne de toi. Toi, l'homme qui jadis a dirigé les raquettes de LA avec panache et pugnacité paralysante. Thank you. Thank you.

Allons-nous longtemps accepter d'être dupes et de tenir pour seuls ennemis ceux qui nous sont désignés, des adversaires disparus ? Demeurons-nous aveugles aux périls en cours, aux écueils véritables ? Le navire a déjà fait naufrage, mais nous préférons, on nous y encourage, ne pas l'admettre et rester à son bord, couler à l'abri d'un décor familier, plutôt que de tenter, peut-être en vain, quelques modes de sauvetage. Alors, le matin, moi, je pense devant la maison de Paolino, je donne un coup de klaxon. S'il se passe rien, sans m'arrêter, je tourne sur moi-même dans un habile gymkhana entre auto et piéton dans un espace très étroit. Je repasse devant la fenêtre et j'attends, moteur allumé. Ou je lève la roue avant, ou alors je fais des petites acrobaties. S'il ne se passe toujours rien, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Thank you. Selon la conception négative, comme je la comprends, nous sommes libres dans la mesure où personne n'intervient concrètement dans nos vies pour nous empêcher de faire ce que nous voulons, ou nous forcer à faire ce que nous ne voulons pas. Les contraintes qui portent atteinte à notre liberté négative sont purement extérieures. Ce sont celles que nous impose la volonté d'autrui. La liberté négative ignore les contraintes intérieures, celles qui ont pour origine nos désirs incontrôlés ou nos croyances fausses. Même si nous sommes prisonniers de nos passions, nous serons néanmoins libres au sens négatif si personne ne nous oblige à les ressentir et si personne ne nous force à les combattre. Comme projet politique, la liberté négative consiste à savoir ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus. Ce n'est pas avoir en tête une idée très précise de ce qu'on aimerait avoir à la place. Les mouvements d'indignés qui surgissent un peu partout dans le monde aujourd'hui montrent assez bien ce que les revendications de liberté négative peuvent signifier au plan politique. Les manifestants désignent clairement ce dont ils ne veulent plus. La concentration du pouvoir et des richesses entre les mains de quelques-uns, la cupidité et l'arrogance de ceux qui bénéficient de ces privilèges. Mais ils ne se rangent collectivement derrière aucun programme économique ou politique précis de redistribution des richesses et du pouvoir. Enfin, du point de vue des institutions, la conception négative présente un trait extrêmement controversé. Elle définit la liberté politique comme silence de la loi. Concrètement, cela signifie que, selon la conception négative, le domaine de la liberté politique est celui de ce qui est permis par la loi, par opposition à ce qui est obligatoire ou interdit. Plus abstraitement, on pourrait dire que la conception négative de la liberté nous demande de ne jamais confondre le fait d'être libre et celui de se soumettre à des lois qui obligent ou interdisent, fussent-elles utiles au plus grand nombre, justes, bonnes, rationnelles. La liberté est une chose, la soumission aux lois en est une autre, complètement différente. D'une manière générale, ses livres étaient restés enfouis dans ses bagages et ses études avaient été peu systématiques et quelque peu velléitaires jusqu'à ce que, par hasard, elle soit passée à la librairie universitaire de Miami pour en ressortir avec Dimensions in Mathematics du Dr. Elsie Parnot, Harvard University 1999. Elle avait trouvé ce livre quelques heures avant d'entamer un périple dans les Antilles. If you be my kid, I'll be your teddy bear. If you be my kid, I'll be your teddy bear. Put you in my pocket and follow you anywhere. If you see me running, high a window high. If you see me running, high a window high. If you see me running, high a window high. Don't wanna love you, don't tell me bye bye. Rain in here, rain in here. If you be my kid, I'll be your teddy bear. If you be my kid, I'll be your teddy bear. If you be my kid, I'll be your teddy bear. Put you in my pocket and follow you anywhere. If you be my kid, I'll be your teddy bear. If you be my kid, I'll be your teddy bear. Put you in my pocket and follow you anywhere. Just come and go. took things slow when we were the ones running the show. And you'll come out of nowhere, you'll just come out. C'était les inspirations, c'est les chats noirs qui c'est une raconte de Carlapeau qui va faire découvrir à la fin la mort. Et c'était très amusant la participation du chat noir au film. Alors il n'y avait pas seulement de clics digital pour faire quelque chose. On doit attendre qu'il ait faire la chose et il faut attendre qu'il doit manger parce qu'il y a une unique possibilité de qu'il doit avoir faim pour aller dans des endroits où on... Tu m'as tendu les bras et tu as dit « Rejoins-moi », mais je ne pouvais pas. Alors tu as dit « Laisse-moi t'aimer », mais je ne pouvais pas parce que tu voulais qu'on soit si proche. Et tu as tenu le filet des pompiers et tu as dit « Saute ». Mais je ne pouvais pas parce que j'avais l'impression que c'était trop haut. J'ai choisi de retourner dans le feu comme font les hommes. Je parvenais à peine à supporter ta beauté. Tu as dit « J'ai bien aimé quand tu t'es endormi sur ma poitrine », mais moi j'ai répondu que les poils de ton torse m'avaient irrité la joue et rendu le sommeil difficile. Tu étais absent depuis si longtemps. J'ai continué mon chemin. Tout le monde m'assurait que j'étais vivant, mais cette nuit, dans mon lit, à chaque fois que mon oreille touchait mon unique oreiller, j'entendais encore une fois les battements de ton cœur. Rambo. Qué rico, Alex était mon ami, mon véritable ami. J'enviais son calme énergique. Dans le tourbillon où j'étais emporté, il était une figure stable à laquelle je pouvais me raccrocher. Je m'amusais beaucoup, je le regardais s'amuser différemment. Deux circuits parallèles, on ne se quitterait jamais. Commencez à piger le tableau. Coco et Cocotte. Mickey Cohen se dérape la vie, les États-Unis, et il a besoin de blé, de flouze, de joncaille. Il a besoin de bons vieux pèse. Ce qui explique notre toute dernière première, la révélation la plus redoutable, la plus rigolarde, la plus révélatrice à être révélée pour la toute première et principale fois. Esgourdeville. Meyer Harris Cohen est aujourd'hui dans le cinébiz. Il fait du cinéma. Look on your face. You'd like to be in a race. white TV, stroking all the gunheads into the ninth degree. You hear the screamers coming, they clamor in the skies. You think that you'd be running to the other side, yeah. So what can you do, you say? They owe me a few. Ainsi poursuivons-nous de bien étranges routines. On ne sait s'il est risible ou bien sinistre, lors d'une perpétuelle, indéracinable et croissante pénurie d'emplois, d'imposer à chacun des chômeurs décomptés par millions et ce chaque jour ouvrable de chaque semaine, chaque mois, chaque année, la recherche effective et permanente de ce travail qu'il n'y a pas. De l'obliger à passer des heures pendant des jours, des semaines, des mois et parfois des années à se proposer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, en vain, barré d'avance par les statistiques. Car enfin, se faire évincer chaque jour ouvrable de chaque semaine, chaque mois et parfois chaque année, cela constituerait-il un emploi, un métier, une profession ? Serait-ce une situation, un job ou même un apprentissage ? Est-ce un destin plausible ? Une occupation bien raisonnable ? Un emploi du temps vraiment recommandable ? Dragonfly, slide.